l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous poursuivons notre enseignement sur les exigences du ministère du chantre, toujours dans le cadre de ce grand thème, le ministère du chantre à la lumière de la Bible. Shalom. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres exigences du ministère du chantre. Le chantre doit avoir un habillement digne. La tendance que nous voyons aujourd'hui, c'est que les chantres se considèrent comme des artistes. Oui, nous pouvons dire qu'ils sont des artistes parce qu'ils pratiquent l'art, la musique. La musique est définie comme l'art de combiner les sons de manière agréable. Mais ils ne sont pas des artistes comme ceux du monde. Ils sont des gens qui chantent, qui jouent pour la gloire de Dieu, qui sont consacrés. De ce point de vue, ils devraient être différents de ceux du monde. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il faut que l'habillement du chantre puisse refléter la gloire de Dieu, puisse refléter la pudeur. Quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 20, verset 21, il est dit « Puis, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'il sortirait devant l'armée, il disait « Célébrez l'Éternel car sa bienveillance durera toujours. » Nous constatons, il y a une expression ici, on dit « les chantres avec des ornements sacrés ». C'est-à-dire dans leur habillement, tout ce qui était sur leur habillement, c'était du sacré, ce qui reflétait la sainteté, la gloire de Dieu, leur dignité. Ils ne devaient pas s'habiller comme s'habillent les gens du monde. Aujourd'hui, il y a certains types d'habillement qui ne reflètent pas la pudeur. Ce sont des types d'habillement, des gens de collants, des gens décolletés, des habits séduisants, des habits qui exposent même parfois la nudité ou les parties sensibles du corps. Les chrétiens en général, et même les chantres en particulier, doivent avoir un habillement digne. Écoutez ce que Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 9. « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Vous voyez ici, l'apôtre Paul est en train de montrer que les chrétiens, et ici particulièrement les femmes, il dit « elles doivent être vêtues d'une manière décente, mais avec pudeur et modestie. » Lorsqu'il y a des grandes manifestations, telles que des concerts, certains portent des habits dits « habits de scène ». Mais ces habits doivent refléter la pudeur et la modestie. Si l'apôtre Paul a demandé aux femmes de l'église de Corinthe de prophétiser en ayant la tête voilée, c'est parce que le contexte de l'époque nous renseigne que les femmes prostituées, tout comme des adoratrices d'une déesse du nom de Dionysos, avaient de longues chevelures. Ne pas se couvrir la tête revenait à imiter ou à s'identifier à ces femmes prostituées. Si Paul écrivait aujourd'hui, il aurait dénoncé les ports des collants, des décolletés, des mini-jupes, des habits dits sexy. Notre manière de nous habiller peut démontrer soit notre légèreté, soit notre dignité. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il fallait consacrer Aaron, le sacrificateur, et ses enfants, Dieu a donné des consignes précises sur la manière dont ils devraient être vêtus. Leur habillement devrait refléter leur dignité. Lorsque nous lisons Exode, chapitre 28, verset 2, il est dit « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Vous voyez, les vêtements que porte quelqu'un peut démontrer sa dignité, peut refléter sa dignité, mais aussi les vêtements peuvent refléter sa légèreté. Exode 28, verset 40 dit « Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Vous voyez, il y a toujours le mot dignité qui revient ici. Lorsque tu es chantre de l'Éternel, tu dois te poser la question si ta manière de t'habiller reflète la dignité, la gloire de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, ceci inclut aussi l'habillement. » Il dit « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Notre manière de s'habiller, notre manière de se coiffer, notre manière de se maquiller et même notre manière de danser doit refléter la gloire de Dieu. Nous ne devons pas nous habiller, nous coiffer ou nous maquiller pour attirer les regards des hommes vers nous. Le chantre doit attirer le regard des hommes et des femmes vers Dieu parce que c'est un adorateur du Seigneur et il doit conduire le peuple de Dieu devant le trône. L'autre exigence du ministère du chantre, c'est qu'il doit connaître la parole de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Paul disait aux Colossiens, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Paul demande que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Et le chantre doit avoir en lui la parole de Dieu. Nous avons plusieurs raisons pour lesquelles le chantre devrait connaître la parole de Dieu. Premièrement, parce que c'est la parole de Dieu qui doit être sa première source d'inspiration. Paul dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ceci sous-entend que c'est à partir de la parole de Dieu, à partir de la connaissance de la parole de Dieu, que le chantre peut s'inspirer pour composer ou chanter des cantiques qui glorifient le Seigneur. La deuxième raison qui devrait pousser le chantre à connaître la parole de Dieu, c'est pour sa croissance spirituelle. Un chantre qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas grandir spirituellement. Lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un accepte Christ, il devient une nouvelle créature, il est né de nouveau et il est un bébé spirituel. Un bébé a besoin de soins pour grandir spirituellement. Et l'élément important pour la croissance spirituelle d'un chrétien et du chantre en particulier, c'est la parole de Dieu. Si certains s'engagent dans le ministère des chantres et ne grandissent pas spirituellement, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est pourquoi le chantre doit être enseigné, doit être encadré, afin que la parole de Dieu habite en lui abondamment. Cette parole est comme le lait spirituel. C'est l'aliment spirituel qui va l'aider à croître spirituellement et à tendre vers la maturité spirituelle. Il est dangereux pour un chantre qui est bébé spirituel de s'engager dans le ministère. Il va tomber dans plusieurs pièges. Je suis écœuré personnellement de voir que pendant le culte, ou pendant certains programmes, certains chantres sortent de l'église ou sortent de la salle pendant le temps de la prédication. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est leur prestation. Mais ils ne voient pas l'importance de la parole de Dieu qui peut nourrir leur âme et les aider à grandir spirituellement. Comment un tel chantre qui ne veut pas écouter la prédication, l'enseignement de la parole, peut-il grandir spirituellement? La troisième raison qui devrait pousser le chantre à connaître la parole de Dieu, c'est pour rester dans la saine doctrine. Il y a plusieurs qui ont abandonné la foi, car ils ont été emportés par tout vent de doctrine. Et ils véhiculent une mauvaise théologie, une mauvaise doctrine à travers leurs cantiques. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux paroles des chants. Il y a des cantiques dont les paroles ne reflètent pas la sainte doctrine. Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Il existe donc des doctrines des démons. Et un chantre qui ne connaît pas la parole de Dieu risque de s'engager, risque d'être égaré dans cette doctrine des démons. Il ne peut pas avoir le discernement. Il peut chanter ou interpréter des chants qui véhiculent les doctrines des démons. Nous avons vu que certains chantres comme Asaph, Jedutum étaient polyvalents car ils étaient des prophètes. Un chantre consacré peut être aussi prophète dans ce sens qu'il véhicule un message. Il parle de la part de Dieu. Il faut que le message qu'il véhicule soit un message qui s'accorde avec la parole de Dieu, avec la sainte doctrine. Car toute prophétie qui contredit la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. La quatrième raison qui devrait pousser le chantre à connaître la parole de Dieu, c'est que la parole va l'aider à marcher dans la pureté et dans la sainteté. David disait, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque nous lisons le psaume 119, versets 9 à 11, il est écrit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » David mentionne clairement que le jeune homme, et je peux dire tout chrétien, le chantre ici en particulier, qui veut rendre son sentier pur, il doit marcher selon la parole. Et pour marcher selon la parole, il faut la connaître. Et au verset 11, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu joue un rôle important pour nous préserver du péché lorsque nous la possédons en nous-mêmes. C'est pourquoi non seulement nous devons la méditer, nous devons suivre les enseignements bibliques, mais nous devons même mémoriser la parole de Dieu. C'est alors que cette parole peut nous aider, nous préserver de toute chute lorsque nous la serrons dans notre cœur. Un chantre qui n'aime pas la parole de Dieu, un chantre qui ne passe pas du temps dans la méditation, un chantre qui n'aime pas les enseignements bibliques, court les risques de succomber dans toutes sortes de tentations et à vivre dans le péché. Le temps que nous est imparti arrive à son terme. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite des programmes, espérant vous retrouver prochainement pour la leçon suivante. Au revoir. C'était « À l'école du Seigneur » avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.